Si yon kap veye tri pa pa po, se ton kap ve moun pale sou nou. La de moun kompran pa wal pa soufi, sa se pa kol ti pe ekri. Gen moun pa ke peti jounen, mwen men mwen pa peti jounen pa. Imbecil se sot ki pa bay, devan pot tonen de ye kay. Moun an kampe la brigade ou si za fe ou la fe. Mwen pap tounen manje pa le mamlo. La kritike te, ou met kritike. Ou pa konne mwen, ki men la kay la. Kay la kay mwen, ou met kritike. El a difisil. Merci beaucoup.